Vie sociale et spirituelle. Vie sociale. Ça ne te fera vraiment pas peur d'être isolé sur une montagne, me demande Jean-Paul pour la 150e fois. Non, mon chéri. La solitude fait partie de notre condition d'humain, non? Qui n'a jamais été seul dans sa vie, au milieu d'une foule le plus souvent? Sans amour et sans enfant? Depuis que je t'ai rencontré, mon trésor, je ne suis plus, puisque j'ai enfin trouvé mon alter ego. Et je me dis que je vais en profiter pour dresser un bilan circonstancié de mon évolution au cours de ces 20 dernières années. Peu de monde peut s'en vanter à l'aube de la quarantaine. C'est en général une période dans la vie d'un individu où, quelle que soit la course folle dans laquelle il est embrayé, il vaut mieux qu'il ne s'arrête pas, sous peine de rester sur le carreau. Je n'ai plus rien à perdre. Sur le carreau social, je suis depuis pas mal de temps déjà. Donc non, ça ne me fait pas peur du tout, bien au contraire, ça m'excite. Malgré toutes ces promesses d'isolement, je constate très vite qu'il me faudrait grimper sur une montagne autrement plus haute si je voulais vraiment être toute seule avec ma petite famille. Même ici, on ne nous oublie pas. Dès que vous avez des enfants, la vie sociale vous rattrape. Les anniversaires, les fêtes de Noël, de Pâques, l'école enfantine qu'ils réclament à cor et à cri. Une autre vie s'amorce et nous, les parents, commençons à perdre le contrôle. À vous-même, leur 5e anniversaire, nos enfants ne nous appartiennent plus. Mais sont-ils supposés nous appartenir? Large débat. Ils subissent des influences que nous n'apprécions pas forcément, mais nous nous voyons obligés de lâcher prise pour de multiples raisons politiques. En conséquence, nous leur inculquerons nos idéaux en parallèle, comme on le ferait d'une langue étrangère. Espérant, s'il devait ne rien leur en rester, qu'au moins nous leur aurons appris à aiguiser leur sens critique et à raisonner par eux-mêmes. Je tire diverses leçons de cette époque solidaire. Par exemple, pourquoi est-ce que je m'oblige à fréquenter des gens avec lesquels je n'ai absolument aucune affinité, ni d'autres points communs que nous rejetons qui sont dans la même classe? Une autre chose me choque au début, c'est que je n'existe plus en tant que Christina. Je suis la femme de Jean-Paul, et surtout, et pour toujours, la maman de Charlotte et de Thomas. C'est ainsi qu'on me reconnaît et que je me présente. C'est un statut que, pour l'avoir espéré si longtemps dans les larmes, je revais avec reconnaissance. Provisoirement, en attendant de pouvoir l'additionner à mon CV. D'ici là, j'en apprécie certains avantages. Plus besoin de jouer un rôle, d'être professionnellement responsable, ni de faire semblant de ne pas aimer les enfants afin d'obtenir un boulot. Et jurer que jamais, au grand jamais, je ne tomberai enceinte. Que c'est reposant d'avoir le droit d'être soi-même, de ne pas être parfaite, d'oser avoir peur et besoin de protection. Je n'ai plus rien à prouver, j'ai fait mon boulot d'être vivant, j'ai perpétué l'espèce. Et vie spirituelle. C'est Jean-Paul qui m'a fait apprécier la Bible pour la première fois de ma vie. Lui qui a décrypté pour moi l'évangile de Jean, son préféré. Il m'a expliqué que le message de Jésus était porteur d'une vision novatrice des rapports homme-femme et que les premiers écrits n'étaient pas discriminatoires vis-à-vis de la femme. D'ailleurs, pour lui, le premier apôtre était une femme, Marie-Madeleine, et les exemples ne manquent pas du rôle important que ses consœurs jouaient à tous les niveaux, du temps de Jésus et antérieurement. Pendant longtemps, les Écritures n'ont été pour moi qu'un ramassis de textes traduits par des hommes, ceux-là même qui prétendaient jusqu'à un certain concile de l'an 585 que moi, femme, je n'avais pas d'âme, et qui étaient subséquemment très peu dignes de confiance. J'avais rapidement conclu qu'on leur faisait dire ce qu'on voulait et qu'on s'en servait surtout pour manipuler le monde. Pourquoi sinon les avoir traduits si tard? Non, la Bible, si vous voulez mon avis, a fait bien plus de mal que de bien, et on a suffisamment commis de meurtres en son nom. De la douzaine d'établissements scolaires fréquentés dans ma jeunesse ressort une institution religieuse bruxelloise qui a supporté ma présence entre ses murs pendant toute ma 11e année. Malgré cela, elle existe toujours. J'y ai vu pour la première fois, plusieurs élèves venaient du Congo belge, que nous n'étions pas tous de race blanche sur la terre. J'y ai parcouru mon premier chemin de croix. J'y ai respiré l'odeur de l'encens et entendu des chants magnifiques qui descendaient du ciel, croyais-je, sur une musique angélique. Je crois que c'est là que la notion de foi s'est insinuée en moi. J'ai senti qu'une grande main responsable prenait ma menotte d'enfant et la tenait fermement pour avancer sur le chemin. J'étais en sécurité. Il ne pourrait jamais rien m'arriver de mal. Aujourd'hui encore, quand je me sens sereine, pleine de gratitude, ma main dans la sienne, je sais que je suis à ma place. À partir de là, je me suis forgée, ne me demandez pas trop comment, une sorte de table des 10 commandements à usage personnel, qui a néanmoins pour avantage d'être un tantinet plus indulgente que celle de Moïse. J'avoue que j'ai eu un peu tendance, au début de ma prise de conscience spirituelle, à faire mon marché dans les différentes religions proposées. Une pointe de bouddhisme, un soupçon de catholicisme, une poignée d'évangélisme, un zeste de protestantisme, et ainsi de suite au gré des arrangements possibles. Puis un jour, je me suis rendu compte, grâce à Jean-Paul encore, que je n'avais pas besoin de religion, ni même d'église pour vivre mes convictions. Il m'a rapproché de Baruch Spinoza, dont la philosophie correspond assez bien à mon propre ressenti. En plus de l'idée de cette main qui ne lâche pas la mienne, j'aime concevoir Dieu comme une sorte de nébuleuse, d'énergie, d'amour omniprésente. Le terme de puissance supérieure me paraît assez approchant. Les mots humains sont limités pour exprimer un ressenti, et il est terriblement difficile, avec ses faibles moyens, d'éviter de tomber dans ce piège qui consiste à faire descendre Dieu à notre niveau et à lui attribuer des pensées ou des actions platement terriennes. En allant vivre à la Forclaz, nous espérions faire évoluer notre vie spirituelle dans un idéal fantasmé d'entraide et de solidarité paroissiale. Ce ne fut pas le cas pour diverses raisons. Nous est restée la vie contemplative que nous avons nourrie à l'aide de multiples moyens, émissions radiophoniques ou télévisuelles telles que Passé composé, À vue d'esprit et Dieu sait quoi. Nous avons fait la connaissance de Bertrand Descaillés et sur un plan musical de Philippe Hervéig et de Marin Marais. Ils nous ont fait respirer mieux, que ce soit par leur philosophie ou leur musique qui élève l'âme. Tous les matins du monde, en ce temps-là, quel formidable souffle de vie. À la recherche de livres nourriciers, nous avons connu le village du livre Saint-Pierre-de-Clage en Valais. Le dernier week-end d'août, le hameau tout entier est consacré à la littérature. Certaines maisons le sont à l'année. Depuis 23 ans, nous y allons chaque année. Voir ces enfants dépenser tout leur argent de poche en livres, n'est-ce pas la plus belle récompense pour des parents lecteurs ? Eux non plus ne seront jamais seuls sur aucune montagne.